clasica europea, los rivales muy difíciles son el 6 y el 13 del mundo, por lo tanto, favoritos de los romanos mañana, pero antes de terminar tenemos el domingo dos partidos, Bautista con Pete López, que deberíamos ganar sin ninguna duda. Gracias, Tubi. Tenemos más cosas de tenis porque está en marcha Ana Rodríguez, el torneo de Bastas y el de Hamburgo. Eso es, y cara y cruz esta tarde para los españoles en la jornada, la cara en Bastas en Suecia, donde mañana tres de los nuestros estarán en las semifinales. Ferrer jugará ante Albert Ramos y Fernando Velasco se unirá al portugués. Cuéntanos, Javi Blanco, ¿qué tal Mario? El mercado del baloncesto se sigue moviendo mucho, sí. Por ejemplo, el Real Madrid ha dejado resuelto su juego interior en menos de 24 horas. Ha hecho oficial el fichaje de Anthony Randolph para pívot estadounidense de 2'11 procedente de Lokomotiv Kuban, y ayer renovó al mexicano Gustavo Ayón para las próximas tres temporadas. En la buena escucha ha fichado al base brasileño Rafa Luz. Joan Sastre jugará las dos próximas campañas en Valencia, al igual que Will Thomas, que hoy se ha despedido del Unicaja. Al dominio en Bilbao se incorpora Danilo Nikolic. Y de la NBA te doy tres apuntes muy rápidos. Juancho Hernán Gómez volvió a jugar muy bien con Denver Nuggets, que valía de ganar, parece que está haciendo un hueco en la mejor liga del mundo. San Antonio ya ha hecho oficial la contratación de Pau Gasol. Canal Sud, 92.2 FM. Ouais. Nuisance, l'émission qui est nuit au sens. en bas de l'absurdité, comme Susdi. Comment tu peux faire ça? Ça, je veux dire, ça. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Je veux dire. Calme-toi, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait chier. En disant plein de merde vraie, surtout ça les fait bien chier. Tangentielle d'une action débilitante, un tant soit peu, pour ne jamais disparaître. Disparaît, c'est toujours la même chose avec toi. C'est toujours la même chose. Tu pars. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net et c'est Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, c'est l'émission de toutes les nuisances. Nuisez-vous les uns les autres, qui disait. Mais y a-t-il besoin de le vouloir? Est-ce volitionnel que la nuisante nuisance? Alors pas là. Ah, goddamn fucking time, and I didn't mislead myself into believing you are gone. Hey, banane. Tu dis ça pour rien, à personne d'autre que toi-même, et ça revient tout à la même chose. Je pense que j'absconce complètement la chose susdite. C'est faux. C'est moi, c'est pas les autres. Star the whole goddamn fucking time. Shit, man. Woman. Die. I don't know. I don't care anymore. I don't care anymore. I don't care. Around the gun with myself all the time. Goddamn time. I don't fucking think anything the whole goddamn time. It's all the fucking same shit assholes everywhere. To me. Gave it all. goddamn shit the whole goddamn time. The whole goddamn time was a waste. It was a fucking waste. Et la même chose, c'était en français. Putain de retour à l'antiquité. On sait pas pourquoi, mais on fait que péter de la merde et du sang. Tout le monde qui chaude dans le boudin. Le caca, y en a pas tant. Mais ça va commencer dans un instant. Faites-moi patience. Vous allez entendre la démilitance. Vous y êtes presque en enfer. Et c'est pas vraiment cool, non, hein, c'est pas cool, hein, l'enfer. L'enfer, c'est la merde. L'enfer, c'est la merde, mec. C'est ça, l'enfer. T'es en enfer. Bonne nouvelle ? Non ? Attention, là. Aurais-tu appuyé sur le bouton ? Oui, le bouton, oui. Le bouton, tu sais ? C'est pas comme si le bouton était doré, mais... Et là, le drame est survenu. C'est tombé dans la déchéance la plus totale, la désagrégence et solution. Tout en étant solution, elle brille. Elle brille des feux qu'on lui accorde. Des feux qu'on accorde à une désagrégence. Solutions ne nous appartiennent en peu, très peu, en singulier même, c'est vrai ce que je dis, singularité, subjectivisme, vous êtes unique, ne pensez pas, unique, vous êtes unique, ne pensez pas ne pas l'être. Singularité, réveille-toi en moi. Oh oui, je suis endormi par la société. Mais comment tu peux dire ça alors que... Je vais dire merde, quoi. C'est pas comme s'ils étaient nés, les mecs. Poisson pané mérite de mourir en travers de la gorge d'un Mozart atrophié. Pendant que Ligeti, roi de l'arôme, douceur, boudin, knorr et viandox, Mozart lui-même était Amadeus, ce que Beethoven était à Vig, lent, très lent. Lent à déployer la misère humaine en draps tachetés de sang. Lent à déblatérer les âneries qui tout le temps font de l'ânerie. L'ânerie suprême. Oui, car suprématie, vous la trouverez dans l'usance. Suprématie du bruit sur la pensée. Suprématie du bruit. Sur la pensée humaine. La pensée humaine, tel bruit, serait-on en train de se dévoiler les choses cachées? C'est un complot, vous cachez les choses, vous voulez les dévoiler. C'est un complot, vous dévoilez les choses cachées. Si elles sont dévoilées, elles sont-elles va-t-elle encore cacher les choses ? Complot, il n'y a en rien sur Terre, c'est la bêtise humaine. Et ça, on le savait depuis Mathusalem. On est déjà mort. Déjà mort la dernière fois. On va pas recommencer encore. Merde, nous les dinosaures. On est en enfer, bordel. On est des singes, des macaques dorés à la limace. La bave, la balle. Partout et dans ton camp. Tu vas mourir. Encore une fois, à toi, pour mieux apparaître et puis disparaître pour la dernière fois. Ouais, quel optimisme, mec, ouais, c'est clair. Enfin, débarrassé du samsa. Arrête avec tes conneries, mec. Putain, mais arrête. veut dire. Non. Non. Arrête. Non. Arrête. Ouais, non. Ouais, non. Arrête. Pas. Arrête pas. Arrête pas. Arrête pas. Arrête pas. Arrête pas. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Non. Non. Ouais. Non. God, are you thinking you're doing right now? What the whole fucking God is shit is shitting me in the face right now. What do you think? Man, what are you waking up? Asshole motherfucker, man. Tout ça, c'était la dernière fois. Je vous ai résumé l'épisode de la dernière fois. La dernière fois, l'épisode était bon. Répétez après moi. L'épisode fut bon. Oui, c'est bien. Vous êtes très bons élèves. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'as pas dit? Oh goddamn time, I was away. I was awake, man. I was awakened, man. Yeah, I'm just preaching here, I don't give a fuck. What the goddamn hell are you thinking you're doing right now, man? Little man? Little man yourself, man. I'm a fucking woman, okay? And I don't give a fuck about being a woman or a man. I'm not something you can toil. Shut up. Okay. No problem. I'll just shut up now. Yeah. certainly do hope you're talking to me right now, little man. I certainly do hope you're talking to me right now, little man. Are you gonna die now? Die of shame? Die of shameful mattery? Sticky, shitty stuff? It stinks, right? When you shit your pants, you stupid crumb bum motherfucker? Are you gonna shit your pants, you dumbass? Are you? Oh, you're a dumbass, yeah? You're a dumbass, right? Yeah, you're the stupidest, right? You're fucked up right now. You don't give a damn, do you? It's not like English actually cares about France anymore. Fuck. You know what I mean? It's not like it's absurd or just incoherent stuff. It's really meaning something to me, you know? Like nothing. Nothing is finally reachable, you know? Tu sais? Comme si l'Orient, c'était enfin atteignable. Atteignable, l'Orient, tu t'imagines, quand même. C'est pas rien que le rien, je veux dire merde. Merde, je veux dire merde. Mais est-ce que je l'ai dit la dernière fois? Est-ce que je l'ai dit la dernière fois? Répète après moi. Répète après moi. Mais non! Je l'ai pas fait, ce truc-là. C'était moi, mais c'était quelqu'un d'autre qui percevait différemment de ce que je perçois d'habitude. Parce que c'était pas une situation habituelle. Je comprends. C'est juste, c'est la première fois que je le dis, alors c'est pas comme si je m'en rendais pas compte avant. Ah bon? Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le juge, madame le juge, pardon, madame la juge. Non, ferme ta gueule, je veux rien savoir. Bon. Alors? C'est quoi que t'as dit la dernière fois? C'est quoi? Répète après moi. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien goûté. Je n'ai rien touché, et je n'ai rien senti, pas une seule chose, je n'ai rien éprouvé, parfait, tout va bien, c'est l'instant de vérité, je suis enfin là, là, très très là même, de tout ça. Alors passons à quelque chose de complètement la même chose en fait. Je voudrais vous présenter l'émission, il est 21h30, ça fait une demi-heure à présent que l'émission du sens a commencé après From Jazz to Jazz, la deuxième émission à partir de 20h, la deuxième émission à partir de 20h, tous les vendredis sur Canal Sud, donc disons que c'est une émission donc, qui commence à 21h le vendredi sur Canal Sud, 92.2 FM au canalsud.net, et le téléphone est 05 61 53 36 95, l'adresse le 40 Alfred Duméril, venez me rencontrer, nous rencontrer, nous sommes beaucoup dans ma tête et dans mon cœur, oui, beaucoup, beaucoup de gens, de gens bons et de gens cons, que savez-vous, que savez-vous, que savez-vous, que savez-vous, dites-le, dites-le, dites-le-moi, faites-moi confiance, vive le confiance, entre nous, j'aimerais la connerie et toujours de mise avec la bêtise, toujours de France, garantie 100%, enfin, nationalitairement parlant, l'on peut établir une 100% étude, mais néologisme figurant jusqu'à l'absconce et l'inabsconce, toujours couvert d'un territoire à un autre, adversité, toi-même, t'es toi-même, et tu le sais. C'est juste que t'as oublié de le savoir la dernière fois que tu le savais déjà, et que t'as oublié encore que tu le savais en le sachant, pas. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ah, mais là où tu vois, c'est pas ça la même chose. C'est pas ça la tristesse dans un regard. La tristesse dans un regard. C'est autre chose. Ah, mais ferme ta gueule, merde! Thank you.

Un joyeux bordel dans cette émission, nous vous présentons un... Pardon. Comme je disais, dans cette émission, on se présente des trucs, des choses pas mal. Ouais. Non, je disais, c'est dans cette émission que l'on présente des trucs. Ouais. Vas-y, maintenant. Ouais. Maintenant. Je voulais vous dire que Mais je trouve plus mes mots. Et c'est à ce moment précis que l'on s'endort doucement dans les flammes de l'enfer. D'un coup, sec et brûlant, c'est fini. Voilà, c'est ça. Paix à leurs âmes. Que dis-je ? Paix à nos âmes, car nous sommes les survivants de l'enfer. Et l'enfer, c'est bien ici, c'est bien sur terre, que l'on le vit à chaque instant, en respirant par exemple. Nous allons maintenant faire un prout, fécal, sans jamais s'arrêter, pour l'éternité et d'entre les cieux. Pouf ! « I have said the last thing I'll say tonight. Be they dead or be they forever, I don't care anymore. I'm still here. It don't matter who dies to me. 'Cause I don't want no dead with me for the rest of my life. I be them. I do not hear them. I be my dead friends and buddies. I be friends with dead people. 'Cause I'm not only one person now. I'm all my buddies too. And that's what memory does to somebody. It destroys the factual evidence that you are not singular anyhow. You are the multiplicity of a result. A result of a multiple influence. Ah, my goddy fuck. I don't know what I'm saying anymore. The influence of others on yourself. You adapt in conditioning yourself to the whole factual evidence that you are nothing, because you do not exist anymore without others, and you will never exist anymore without others, because you've never existed without others. Like, for example, your parents who fucked to make you alive and gave you birth, like your mother, and suffered like a few hours or something like that, like to get rid of the stupid globulous like bubble in the stomach thing. Death. You know what I'm saying. Yeah, life like resembles death. La vie, ça ressemble à la mort. C'est la même chose. C'est juste l'autre versant des choses. La vie, je veux dire. Moi, je suis mort. D'avance. C'est l'évidence qu'en ce baptême bruiteux, pour dire le moins, si je ne dis pas bruitesque ou bruitiste, eh bien, je n'ai pas tout à fait trouvé ce que je voulais dire. J'ai omis de préciser que vous écoutez Canal Sud, la radio libre ou mourir, à Toulouse, au 40 rue Alfred Duméril, 31 400 dans cette susdite ville, en France. Ce qui ressemble à peu près en anglais. Have I omitted to remind you, you're listening to Canal Sud, free or dead radio? C'est la dernière fois que t'avais dit ça. Attends, on t'écoute pas là. De cette émission est évidemment éminemment bruiteuse, pour dire le moins. Mais t'as déjà dit ça, connard, ferme ta gueule, putain de merde, quoi, enculé. Pardon. Je ne soupçonne pas un instant avoir complètement omis l'incertitude dans ce débat complètement conflictuel. Devrais-je ou ne devrais-je pas, peut-être. Peut-être, je ne sais pas, je... So awkward, you know. C'est le 05 61 53 36 95. Salut si vous venez d'arriver. Ici. Attends un instant. Il y a quelqu'un au téléphone. Non, c'est pas vrai. Ah, 05 61 53 36 95. Oh, 05 61 53 36 95. Quand tu me tiens. Par la barbichette, tu auras, il y aura une grosse claquette dans la gueule une fois que t'auras souri. Parce que le bonheur, c'est pas ici qu'on le trouve, ni dans l'amour de l'autre, c'est dans l'amour du tout, toi y compris avec le tout. C'est l'amour qui vient du tout qu'il faut exploiter et être comme le tout dont tu fais partie et aimer le monde comme tu aimes, oui, comme tu aimes le monde, ouais. Sois comme tu es, car tu es, n'est-ce pas, ne pas être comme tu es. Yeah, yeah, yeah. Et c'est à ce moment précis que les gens s'endorment, en général, avec un bruiteux éclat dans la face. Tout le temps, pendant 2-3 heures, dormez. Dormez, vous êtes endormi. Ne vous réveillez pas, dormez. Oui, oui, c'est logique. Oui. Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Aurais-tu omis de prendre ton câble USB? USB, oh, oh, oh. Canal Sud, Radio Libre Mourir. Thank you. poème se déclame tout en souriant. Le poème se déclame tout en souriant. Le poème se déclame tout en souriant. Souroyer, bordel, souroyer, merde. Souroyer. Et pour tous ceux qui ont regardé le match de foot il y a quelques jours, quel drame pour la France. Hier, il s'est rien passé, quoi. Vive la France, juste et tout, libre, tout en merde, et mon nom aussi. Vive les morts. Non à la mort. Gueux, gueux. Tu n'es qu'un gueux. Tais-toi. Comment tu peux dire ça? C'est dégueulasse. Dégueulasse que tu dis vraiment. Non. C'est pas vrai. C'est toi qui es dégueulasse. T'es indécent. De salubrité. Tais-toi, s'il te plaît. Tu me donnes envie de vomir. Shame tonight. I would not like to shame my brothers and sisters who are dead tonight. or any other day or night. By that meaning, no way I'll die or anything in the instant. I mean, I'm not sure of anything, but I just gotta know what's happening every damn instant. No? You know what I'm saying? Just gotta know it all. I know it all. I'm sure of it. I'm so fucking sure. My ego is like the size of my IQ and shit. It's hurting. It's hurting. Yeah. The size of my IQ, my ego, you know? So like, you know, let's just all go down for a second. Just for 1 second. Let's just all go down. Let's just all pacify each other's with love and meaning. Ouais. On a qu'à juste tous se pacifier comme ça les uns les autres. Se paisibiliser, comme on dirait, tu vois. Vous voyez. Et si tout fonctionne comme prévu, l'amour prévaudra. Oh, sur la déraison. Car la raison gagne. L'amour, vraiment. Oh, c'est ça qui est bien avec l'amour. Face à la déraison. C'est que l'amour. Prévôt. Toujours. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pas mal, ça. The guy came over to me and said, oh god damn, you know. And like I was, I know it all, like everything, you know. The guy told me something I didn't know, and I was like, man, that's puzzling, you know, there's something awkward about this whole situation thing. Shit, fuck, you know. Alors le mec il me dit, mais non, t'as rien compris, c'est pas ça que je te disais. Et moi, effaré, je tombe des nues. Dans le lac. Et je meurs. Une dernière fois. Ah, et je me réveille. Ah, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Mm-hmm. pire. Ce bête est méchantement sale con, négrier. Fields. Fucking like the heavens are molten. Freezing till nothing is no thing under. Twirl the stick chosen out of the pick. Now or never. It's full of it. Full of it. Shit. So answering gives away truths of old. Never spending, always sacrificing alongside the hammers. Alongside the jamming for never ending, you know, stinging. So where's the answer to monkeying about? Spying on one's self, striving against side, the clouds and sticks, water currents. Sticky, sticky. Where's to this? That's the answer. No mattering for structure. This is where the laying's at. This forgotten foreclosure of an act, never ending and never forgetting, it's gone. C'est en voyant que l'on est, voyant. C'est en étant que l'on est, être. Le loin est une facticité. Mourir est la seule bonne et vraie soluce. Le fion se meurt, le fion se dessèche, la merde et le cul qui pue. Crevez les abcès. Puis, la relance se crève, le suppositoire. La purulence pestilentielle se dissout. Bien que la merde ne dissolve pas les inazures, mourir c'est bon. Alors, que de crever l'abscons territoire, pourrir à la fin. La dissolution recherchée évanouit la splendeur, la lenteur et vertu si utilisées pour l'acmé du plaisir, et ce ne perturbe pas. The ever winter night colliding away in rummaging structuralities, deficiencies, death, this wholesome shadow covered in comedism of the ass. The every single time, down the trap, loads of events of fractal inequities. Trou du cul, sphincter dilaté, boursouflure, endolori par les escapades dorées, la sexualité, crever, oh oui, encore le territoire, oui, la guerre crève. Intangiblement, l'onde d'araignée, fion, toile, un inespoir, comme inazur, comme une non-bleutée toile azur, sur le doré une, le chion. Chions-nous sûr de par nous la limitativité des mots ne correspondent pas sans inexactitude vers et de par l'inaction, point. Le bonheur, virgule, le bon heur, coulissant mécanisme, coulant, flottant, courant le long de moi. Je, entre guillemets, n'est pas, car je, entre guillemets, ne suis pas l'affaire en et de par la justesse d'inaveu bleuté ou verdâtre comme marais, cage, marron, merde puante, la vie conditionnée, la mort est belle, c'est comme ça. Damning won't do it. Cause cousinings too, as wanting is shameful and tenderness fruit-like. The heavens. The good old ones are, and that's for sure. So whenever I comes into action, being forgetfulness has sprung. The landing of the mice on a holy hole, some planet is not forgotten for forever, is the answer to memory long had. The hatting. The hatting, god damn it, I took my hat the other day. And it had the sting in it. Stinging nettle. And poison ivy was everywhere. I envy you, poison. You'd be death incarnate. I envy death incarnate. For living is not the answer. Il y a, entre guillemets, n'est pas. Ce n'est pas car perturber le néant n'a aucun sens. Au contraire, le néant est calme, lucidité, équilibre, harmonie. Je ne suis pas mort. Ce n'est donc pas moi. Voilà, je suis comme ça, moi. Hurting, hurting, hurting alongside others, drinking water to forget. Le délire du surmoi revient encore à se dire la même vieille rengaine exacerbée, souffrante, de peur, de crainte, de vivre. Mais pourtant, ceux, entre guillemets, tout cela sont à l'identité souffreteuse. Nous allons tous mourir. Le développement nous attend de nous atteindre. La mort cherche les chercheurs de la mort, la vie placable, pardonne tout et tant. C'est juste pour parler, putain, c'est un scorpion, c'est dégueu, l'horreur, l'horreur, horrible situation, mourir, ça fait quoi, croire que c'est fini, fait chier, hop là, changement de côté, triper, it's over, done, going on with it, won't not suffice, killing one's self one more time, death finally, not only free, but good enough for me, shit, where is it, why won't we down the whole goddamn matter thing, not enough to die for, spot them, see them down on the way, ouais, c'est clair. Just for fun. It's fun. That's how it is. Fun, I mean. There's something about it. Yeah, something imperfect like the rest, you know? How to know, you know? Something good is to live through it. And you know it's good because you say so. You say it's a good thing. That's how it is. Simple like that. I accept calm, calmly. I accept calm, calmly. And it goes on. I may not stop for everything. It goes on goodly. It is good. Thusly, I say, thoughts of fields of patterns layering each other's on and on. As life continues, thoughts may be directed like, I love you is chosen to be said. Je t'aime suffisamment et suffisamment bien. Je le souhaite. Ce sera et c'est bon, car il est juste et bon de t'aimer. Shit, why did I write that here? I don't know. Well, that's not exactly true. I know it is needed, but I gotta realize I'm writing this here because she's not here. She's not here. That's why. Too bad. Thoughts may be calm. Yes, they may. That's that. Yeah. De nuit, je travaille sur l'ordi. Il se peut que l'avenir offre proximité et latence en plus d'un désir intrinsèque car inaccessible. Inaccessible car non atteint. Le présent demeure, seul, je suis seul et heureux de l'être, mais pas tout seul, je le sens. Épousaille mystique, quote of sorts, wherever I be, I'm not stupid, just happy. 'Tis true, I falter, where am I? Shit, lost attention, gone nowhere. And back from there, all the way back. I mean, right, yeah. Why don't I believe me? Good, but what the fuck? Shit, here goes again. Loss of attention, focus, god damn it. Gone, almighty gone. Yes, 'tis true, full of it. Truth, I mean, I'm mean. God, damn me to hell, please. Là, voilà, c'est fait. Je suis condamné à l'enfer, je suis un gros con damné à l'enfer. T'as vu? Merde, je suis un gros con damné à l'enfer, t'as vu de merde. Espèce de merde que je suis, un gros con de merde, damné à l'enfer pourri, t'as vu? Ouais, oui, j'ai vu. La voix. Se choisissant une, azuré, baigne le ruisseau dans la lumière, et je te vois, tu es là, et lassement tu lâches un pétulant azuré, bête immonde, moi je me hais, je me meurs, bleu ciel d'azur l'azuré, et c'est moi qui te vois. Et pendant que la mélancolie tournoie rondement jusqu'au bout de la tulipante suite pour plus tard réservée, pourtant c'est quant à lui qu'il se retrouve vers la merde que je suis. Pourquoi ? Pourquoi fuis-je dans l'erreur de la droitesse, rature, comme noblesse, étude et tergiversation ? câlin. Et pour ainsi dire jamais, je me jure déjà de l'être, jurons of sorts, that we might all swear, all of us, swear to goddamn hell to not swear to goddamn hell, mais but. Pourquoi l'inazur, n'obstruant que peu l'inobscur, adverse, territoire de l'autre, étrange, et il prie, et dit, merde, j'ai marché, dans la merde, et caetera. Ce soir, l'inquiétude n'est pas car elle n'est pas, seules les choses de ce monde sont réelles, et le souci, stress n'en est pas, car fatigue exutoire. L'amour, je n'en doute pas, non, il est vrai, réellement, réellement, who am I mocking, love, love is not a who. So me, nah, not only no one, yes, no one, not one person in this world do I mock. I see, at least I see words float at last, and I'm dying at long last. Finally, at peace, flowed, flowed, flowed, flowed, flowed. Piece of tusk. I'm a piece of tusk. À défaut d'ivoire, un bout de défense. Défoncé de par les hautes murailles. Chiclets. Thy hair green for all I care. Nah. Give up. I'm a piece of tusk. A piece of tusk. A piece of tusk. La même. La même que moi. Quelque part. La même que moi. Quelque part. Je suis la même que moi. Quelque part. Oui. C'est vrai, quelque part je suis la même queue que les autres, et ça pique l'amour propre que d'être la même queue que les autres mecs. Je me déteste et veux mourir, entre parenthèses. Et quand ça fait ça, je cogite, et je résiste à la volonté de m'agresser car je suis une merde, point. One hour and 7 minutes. I don't know. Tough, it's tough. Nah, yes sir, it's tough, tough. C'est balèze, mal à l'aise, je suis. Oui, c'est ainsi que la chose se fait. Dermique, se monter la tête. Non, je fais autre chose. Changeant de cet absolu en... Inespoir que le voyage. Voyager psychonautique. Voyage psychique. Changement vital. Oui, c'est sûr. C'est ainsi infini de la perfection. Imperfection assurée, assurance de non-monstruosité, douceur. Le raccourci n'existe plus. Seul le changement efficace exalte les choses. Exulter, but ? Non, moyen, pas sûr. Traverse, non plus. Événement, oui. Phénomène aussi, bonheur peut-être. Il est sûr de rien. Il est sûr que rien n'est sûr. Inefficacité assurée, démence, rotulier. Je suis la rotule démente, évidemment, mais éminemment. N'est-il pas une misère humaine foutrée, foutue cruauté, crue, elle, il, non, pourquoi pas, après tout, je suis Des champs de sang brillent la zone. Je me rends compte d'être une merde mâle. Je ne me déteste pas et souhaite changer. Passe une bonne journée. Awkward. C'est le réel, je veux dire, est, et elle aussi est réelle, je me lui dois d'être bon, je nous aime. Everything is rot, tingling away now, knots, that I care for my knots. Ils sont là, là, et pourtant pour toujours, par tout temps, couverts ces nœuds-là, que je fonds. Je l'aime, elle m'aime. Nous nous aimons, qu'ai-je à demander ? Me dois-je, lui dois-je de demander ? Ce ne m'advient que non, ô grand toujours, toujours présent qui, traversé permissif, dirige par phase adaptation au réel ? Je, entre guillemets, ne me parle que de moins en moins. Ce qui me permet d'être moi, c'est le non-moi, comme le vide permet l'usage du vase. Et tout cela se voit, se formule, se traduit et se tord sous les effets des chairs canonisantes. Je, entre guillemets, ne me suffit plus. Je l'écris, mais ne le vois, ce moi. À part par ses effets sur le non-moi, ou plutôt par l'onde intermédiaire, l'état transitoire, portant le sens du changement, mais non l'image, la vision. la vaporosité des formes d'expression, leur caractérisante singularité, tout cela mis à part, je n'ai pas dents en le sujet. Non, ce qui n'est pas hors sujet, c'est la tension souffrante. La douleur est bien plus à propos que la délivrance. Après tout, en identifiant, nommant le mal, les mots, l'élimination reste la technique maîtresse. Je t'aime, oui. C'est le bon moment pour vivre cet amour. Je fais de mon mieux pour l'instant, mais pas mon meilleur potentiel. Cette atteignable-là, je ne parvins pas à la toucher de ma résonance à la sienne, c'est vrai. Mais pourtant, oui, pourtant, cette potentialité-là, se puisse-t-il qu'elle soit matérialisable, réalisable, faisable? Oui, je me le demande. Mettre toutes les chances possibles et inimaginables de son côté. I've been somewhere. Done something. I've been someone, true. But through all these misdemeanors, I didn't really think it true, but now I do. Will I go insane? Or would I rather, yes, wouldn't I rather take the chance for once? Yes, I wish, full of thoughts, patterns of whirling fire. White, bright white, dusty, yeah, Shauna. Tragicness of feather-plucking insane, itty. Twirling as a dynamite stick up the ass the whole fucking time. Where have I been these last 20 years? Jerking off, wondering. Losing it, hammering with joy, bliss, but in the wrong direction. What for? I don't know. I don't know. I don't know. Who is this talking? Damned if I know the person, I swear. But who the fuck am I talking to? It seems technically someone, but not really something. I mean, I'm talking my disarray away. And directing one's self-centered soul is only part of the problem, solution, or solution problem. I can't believe I'm dead already. I mean, like, I'm writing this down and it dies, but I don't. I keep on till I die. That's what I mean. I'll only really be someone when I'm fucking dead, you know. C'est là le blême, livide blafard, cafard, le cafard. Il se puise dans le tréfonds, elle ne chevauche corcelle. Il n'a pas les couilles de dire non. Quoiqu'elle n'a pas les tripes de jeter, les deux font lever le manche à air, battre la pluie qui tambourine contre les volets clos. Les azures, bleuissant long de transitoire, de l'occupation énergétique de l'espace intermédiaire, interstitiel, de la surface, de la muqueuse, à l'intérieur de la couverture sacrée, la peau, cette distance minimale ne me permet pas de mourir, ou plutôt si, mais également équanimement de vivre. Alors je ne suis plutôt où j'en suis perdu. C'est mieux ainsi, quoique lumière troublée. Oui, c'est mieux ainsi, dit. Where is the somewhere is where I am, cause I'm it lost, I mean, shit. So where, goddamn me, should I know? So nowhere is the rabbit pending nature, to distraught and distressed natures of sorts. Sort of shouldn't work out so good as to not distemper. So where's the goddamn where is the somewhere where? I know where the where is, it's the somewhere the problem. So as to say, I never answered the answerable phenomena. It's where. Alors que dire des autres? Chose ou tant, qu'en dire sauf merde, oui, merde, etc. C'est ça, ce qui est faux et constitue une malœuvre, une désorganisation et une sabotageuse tempestante, tant morte. Décongestion nasale, que même billes en cours ne prédisent pas les avenirs, azur ou non. Voilà, en quelques mots, comment ne rien dire de rien. Fuck, c'est ça que je dis en compagnie de mon observation, de l'inconscience obnubilante qui conduit droit à l'erreur absolue, alors que merde, rien, la paix, prout. C'est alors que j'encule le fion doré d'une turlupinante cloison argentée qui broie à la surface d'une azur bleutance, fuck. Alors que justement, il n'y a en rien quelque chose d'infini et donc rien devient donc it, car l'on est, et c'est nous qui devenons a, malgré nos réticences. Moi, écoute, non, écoute, c'est temps. L'absolu. Inabsconce. Et joignable, passons l'appel. Ô grand inférieur, viens à Wham, s'il te plaît. Oui, merci d'avance de régler les soucis par nos intermédiaires. Quant à connaître le problème, autant s'adresser à la source de trouble. Faites-en, ô temps, soit tu es, et le reste, oui. Mince filet de bave. Disruptive therapy. Losing patience and control, losing it. Yeah, all of it down, going, where is the light? Where is my light? Damn me if I'm not trying, it seems just not right. I hate not, nor anybody else. Shit, no, yes, that's where it is. That's where it is, you know. It's not going anywhere, you know, it's just like the same old goddamn shit, you know, the whole fucking time. And it don't seem really wrong anyway. Ça semble tout à fait la conjoncture actuelle d'être conjecturant, n'est-ce pas? Hein, conjecture, oui, non. Pourtant, tu avais dit quelque chose? Non, je n'ai rien dit, je n'ai fait que parler. Ah, d'accord, ok, d'accord, ça marche. Okay, ça marche, d'accord. Pourquoi tu ne t'es pas, alors? Parce que je n'ai rien à foutre. Ah, mon Dieu, le patron, ça y est, le sacro-saint patron. Le sacro-saint patron. Le sacro-saint patron. Viens ici, patron. Ouais, je suis le patron. Patron, oui. Ah, oui, oh, oui, je comprends. Mieux, maintenant. Le problème est livide, blafard, cafard, le cafard. La colline verdoyante de l'azur bleuté, nowhere to go, la colline rougeoyante, nothing to be, la colline désagrégeante, nobody to see, la colline fondue. Comme limace, dorée, au four, crème en toi, il y fait, quelle naze, non, plus jamais ça, plus jamais, c'est ça, oui. Il se trouve, non, monde, hein, que j'aime et que je m'emploie à être aimable, mais en ce moment, la limite me semble comme atteinte, oui, atteinte. La chose que je me fuis, mon robe de glacé nappage caramélisé, mort au rat. La phrase est choix phrasé sous-tendu. Le périmètre non sécurisé du bleuté protégé par masse. Les avancées ne se retournent pas. C'est à ce moment précis que, désinvolte, ah, la chose ne se retourne pas. Non. Car la chose, c'est moi. Projeté sur les parois de moi. Pour jamais, car dolore, donc illusion. C'est pour ça que je m'obstrue. C'est pour m'obstruer. Car d'obstruation, il n'y a que d'ignorante. De pardon, accordé aux repentants, reprise de la penture, marche, le fond des canyons enrobés de chocolatine, à mort. C'est la merde. sens. Le sens de la vie d'ailleurs. L'urgence sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Tous les vendredis de 21h à 23h, il paraît, mais c'est pas vrai. Je mens. Thank you. FM ou canal sous.net, c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, de 21h à 23h, tous les vendredis. Voilà, que dire, donc canal sud de Radio Libre ou Mourir, au 40 rue Alfred Duméril, ou au téléphone, le 05 61 53 36 95, également le site internet, tiens, du www.canalsud.net. Vous pouvez écouter juste derrière moi Axel Bauer en train de faire du cargo, je ne sais quoi, c'est peut-être un bateau, un truc comme ça, je sais pas. Ensuite, en parlant de gros veaux, j'ai toujours décidé de faire des choses à part, donc on va faire aparté à partir de maintenant. Donc Axel Bauer, je l'emmerde, j'ai rien compris, c'est juste une connerie. Bon, je retiens ce que je dis. Et je dirais que c'est maintenant ou jamais qu'il faut absolument réagir. La Terre ne va pas tourner rond dans ses carréitudes indéformes. Donc ne va pas décider pour moi, donc je refuse complètement que tu agisses. Par contre, tu peux faire quelque chose, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Ouais, et donc comme je disais, il y a une machine dans ma tête, blablabla, tout ça. Et donc j'étais en train de dire que le système, ça me faisait chier. Mais le système, c'est bien parce qu'on peut en profiter, donc c'est cool, on devient des enculés comme ça. C'est super, j'aime bien le capitalisme pour ça. Vive la belle musique, ce soir Axel Bauer dans son exactitude. Pour être précis, je veux dire. Fait de la grande musique, c'est beau, labo, le thé, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, grave, voilà. La nation française et tout ça aussi. Et vive surtout les morts. Qui vivent pour l'éternité. Et elle aussi. Thank you. Vous écoutez Nuisance, Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, et c'est sur Canal Sud, la radio, Libre ou Mourir à Toulouse, en France, et nulle part ailleurs. Et donc, Nuisance, donc l'émission brutiste, une émission brutiste parmi tant d'autres, sauf que les autres ne le savent pas, c'est tout. Et bon, en disant cela, donc on n'a rien dit, et on continue de déblatérer des conneries, quoi, toujours la même chose, quoi, ça va. Change pas trop. L'émission qui nuit au sens, comme je disais, ou l'émission de toutes les nuisances, et peut-être à venir un nouveau slogan. En attendant, on va peut-être plutôt se quitter sur de la grande et belle musique. Donc je vais vous offrir un truc tout frais, sorti des bacs. Des baccalauréats, évidemment. C'est un gars donc, ou une meuf, je sais pas, enfin on va voir. Allez, ciao! Oh,